je resterai toujours pour toi à portée de voix, tu le sais bien. Tellement de temps qu'on s'est donné, oui, d'amour sans compter, c'est pas pour rien. Ça ne finira jamais, on refera la route, je te le promets. Je ne suis que la ces chansons qui nous rassemblent autour de ce feu que rien n'atteint. Ça ne peut pas finir, il y a trop de souvenirs, puis des jours, des nuits qu'on ne compte pas, et même si je pars, je ne te quitte.